La fin de la nuit de François Mauriac. Alors, c'est assez. Déjà, ça commence. C'est un roman donc qui a suivi Thérèse d'Esquirou, déjà chronologiquement, par rapport à l'écriture. 7-8 ans plus tard, a priori, mais bon, je me fie plutôt à la date de parution, donc c'est pas forcément très précis. Alors, sur c'est intéressant, sur la couverture du livre, c'était écrit que le roman est la suite de Thérèse d'Esquirou. Et au début, dans la préface de Mauriac, c'est assez. Alors, c'est un peu toujours pareil. On peut le voir sur un plan commercial, parce que. Je lis là, je n'ai pas voulu donner dans La fin de la nuit une suite à Thérèse d'Esquirou. Bon. Or, il laisse ça écrit sur la couverture. Enfin, il laisse. Est-ce qu'il a eu le choix? Bon, on peut imaginer quand même que oui. Donc là, il était académicien déjà. Peut-être qu'il ne l'était pas au moment de Thérèse. Enfin, ça, c'est pas très important. Donc, je n'ai pas voulu donner une suite, mais le portrait d'une femme à son déclin, que j'avais peinte déjà du temps de sa jeunesse criminelle. Il n'est aucunement nécessaire d'avoir connu la première Thérèse pour s'intéresser à celle dont je raconte ici le dernier amour. Comment ? Là, ça fait marketing, quoi. Vous pouvez lire ce bouquin même si vous n'avez pas lu l'autre. Bon, ok. C'est, franchement, pour avoir lu ça, ça n'a presque aucun sens parce que... il est très très important de voir... Il y a des tas d'allusions à Thérèse d'Esquirou, c'est vraiment... Bien sûr que c'est pas illisible sans avoir lu Thérèse d'Esquirou, mais on rate la moitié de l'histoire. Enfin, on comprend pas la finesse des choses. D'abord un peu sur un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est le changement de Mauriac entre les deux romans. Moi, j'avais entendu dire que Mauriac était un auteur chrétien, etc. Donc, je crois que j'en parle dans mon résumé de Thérèse, mais ça se sentait pas tant que ça dans Thérèse d'Esquirou. Enfin, au contraire, il avait fait une sorte de peinture très très très neutre, enfin, sublime. Alors que là, la morale pointe son nez partout. Thérèse se juge elle-même avec beaucoup de la honte d'elle-même. Bon, elle sait qu'elle est mauvaise entre guillemets, mais elle le sait, elle le regrette. Bon, alors que c'était pas le cas dans Thérèse, quoi. Pas vraiment, elle se demandait pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait, etc. Mais bon, je trouve que... Bon, bien sûr que Thérèse a pu changer, mais bon, on a plus l'impression de voir un changement de Mauriac plutôt qu'un changement de Thérèse. Voilà, c'est tout le problème en littérature, là. On a l'impression de voir que l'auteur a changé. Pas changé d'idée, non, enfin, a changé. Et alors, dès la préface, déjà, je vous ai lu, là, Le Dernier Amour. Bah, c'est bon, ok, d'accord, c'est peut-être pas la peine de le dire, dès la préface. Hein. Bon, je m'en foutais, parce que je savais bien qu'il y aurait un intérêt littéraire, au-delà, c'est pas un roman à suspense, mais j'aime pas du tout l'idée de le mettre dans la préface. Puis d'ailleurs, bon, il annonce la couleur, hein, j'ai rien inventé par rapport au fait qu'il soit chrétien. Je lis un peu là, la préface. « Depuis 10 ans que, fatiguée de vivre en moi, elle demandait à mourir, je désirais que cette mort fût chrétienne. » Bon. Et voilà. « Aussi aurais-je appelé ce livre, qui n'existait pas encore, La fin de la nuit, sans savoir comment cette nuit finirait. L'œuvre achevée déçoit en partie l'espérance contenue dans le titre. » Voilà, déjà il annonce tout, il a bien peur, quoi. Enfin bon, effectivement elle meurt pas tout à fait à la fin du livre, bon. Au lecteur qui souhaite une raison, qui souhaite avec raison, déjà, hein, bon. Enfin je lis la phrase. Au lecteur qui souhaite avec raison que toute œuvre littéraire marque les étapes d'une ascension spirituelle, et qui peut-être s'étonnera que cette descente aux enfers, où de nouveau je l'entraîne, Il importe de rappeler que mon héroïne appartient à une époque de ma vie déjà ancienne et qu'elle est le témoin d'une inquiétude dépassée. Alors là, c'est affreux, je trouve. Enfin, c'est très intéressant sur le plan philogénique. Enfin, mais c'est pitoyable, quoi. Il s'excuse. Mais oui, il s'excuse. J'ai écrit Thérèse. Excusez-moi, j'en ai fait un monstre. À l'époque, j'étais pas très chrétien ou je le montrais pas. Mais c'est parce que j'avais une inquiétude. Mais aujourd'hui, vous inquiétez pas. J'ai compris. Je veux qu'elle ait une mort chrétienne. Moi-même, j'ai changé. J'ai gravi l'étape spirituelle. On se demande si c'est Thérèse ou lui, d'ailleurs. Hein, franchement, Bon, je pense que c'est lui quand il parle de ça. Marque les étapes d'une ascension spirituelle. Une œuvre marque les étapes d'une ascension spirituelle. Oui, c'est la sienne, à lui. Enfin, il se gargarise de sa spiritualité. Enfin, il tue l'animal littéraire parce que. Plutôt que tuer l'animal littéraire qu'il était, il plonge dans les ornières. Dans des ornières stéréotypées, je dirais, d'auteurs chrétiens. C'est ça. Et c'est vrai que Thérèse Esquerou. Moi, j'imagine que pour un bon penseur chrétien catholique à l'époque de la sortie de Thérèse Esquerou, j'aurais peut-être moyennement apprécié certaines phrases de Mauriac, effectivement, quand il dit que, bon, enfin, quand elle revient sur son crime en se disant, finalement j'avais bien raison parce que cette vie ne manquerait à personne. C'est terriblement bien dit, hein. Alors, il faut que je lise la fin de la préface parce qu'on n'a pas terminé avec le côté chrétien. D'ailleurs, bien que j'ai écrit ces pages sans autre intention que de mettre en pleine lumière la figure souffrante de Thérèse, déjà il a décidé qu'elle devait souffrir, hein, de son crime, de son tentative de crime, je sais aujourd'hui ce que pour moi elle signifie et ce que d'abord j'y découvre. C'est le pouvoir départi aux créatures les plus chargées de fatalité, ce pouvoir de dire non à la loi qui les écrase. Lorsque Thérèse, d'une main hésitante, écarte ses cheveux sur son front ravagé afin que le garçon qu'elle charme la prenne en horreur et s'éloigne d'elle, ce geste donne un sens à tout le livre. Bon. Le sens du sacrifice, c'est-à-dire qu'elle préfère éloigner de lui l'homme aimé. Mais alors, déjà mettre ça dans une préface, mais il fait une étude, on dirait une petite étude littéraire, là. Il explique ce qu'il faut comprendre du bouquin. C'est terrible, hein, mais qui nous laisse tranquille. Et puis en plus, l'écrire dans une préface, c'est pas possible, enfin. Bon, ça m'a un peu énervé, mais enfin bon. On passe là-dessus parce que c'est quand même merveilleux sa façon d'écrire. En chaque rencontre, la malheureuse le renouvelle, ne cessant de réagir contre la puissance qui lui est donnée pour empoisonner et pour corrompre. Voilà, là. À la limite, je veux bien que Mauriac pense ça de son personnage. Le problème, c'est qu'il a fait penser ça par son personnage lui-même. Bon, pourquoi pas, bien sûr, mais on a l'impression que c'est Mauriac, quoi, qui débarque. Avec ses gros sabots chrétiens. Mais elle appartient à cette espèce d'être, une immense famille, qui ne sortiront de la nuit qu'en sortant de la vie. Il leur est demandé seulement de ne pas se résigner à la nuit, parce qu'évidemment, ils vont rentrer dans la lumière de Dieu après. C'est ça qu'il sous-entend, je crois qu'il va le dire. Et alors, la fin, le dernier paragraphe de la préface est incroyable. Pourquoi interrompre cette histoire un peu avant que Thérèse soit pardonnée et qu'elle goûte la paix de Dieu? Un peu avant qu'elle meure, quoi. Mais non, soit pardonnée et goûte la paix de Dieu, enfin... Au vrai, ces pages consolantes ont été écrites, puis déchirées. Je ne voyais, alors voyez en lettres majuscules, hein, il n'arrivait pas, oh là là, quelle honnêteté. Je ne voyais pas le prêtre qui devait recevoir la confession de Thérèse. En fait, bon, enfin, je termine. À Rome, j'ai découvert ce prêtre et je sais aujourd'hui, peut-être en quelques pages le raconterai-je un jour, comment Thérèse est entrée dans la lumière de la mort. Voilà, il voulait quelqu'un. Là, c'est ce qu'il semble dire, c'est qu'il voulait pouvoir imaginer, ou là, il a connu, à quelqu'un qui pourrait comprendre Thérèse, malgré ses crimes, pour avoir une confession réelle, un vrai pardon, quelque part, hein, qui se substitue à Dieu, enfin, dans le sens, Dieu incarné prêtre, dans le sens du pardon, effectivement, je vous pardonne, vos péchés, machin, bon, avant de mourir, très bien, mais il fallait effectivement que ce soit un prêtre d'une certaine grandeur d'âme, capable de comprendre. Bon. Ouais, bon, voilà, je vais arrêter sur ce point, mais c'est quand même incroyable de christianiser à ce point un roman. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Bon, alors, pas grand-chose, hein. Alors, c'est un livre qui est deux fois plus long que Thérèse d'Esquerou. Thérèse d'Esquerou, c'est tout petit, 120 pages, là, c'est 250. C'est vraiment pas le même... Et il se passe pas grand-chose, mais bien sûr, des scènes... elle vit à Paris depuis 15 ans, et elle veut aimer, bon, on sait pas encore vraiment qu'elle veut aimer, il y a une servante, je vais passer sur les détails, parce que... qui s'appelle Anna, avec qui elle vit... Elle devient un peu parano, Thérèse. Il y a une peinture de paranoïa, une sénilité paranoïaque. Alors on peut l'interpréter comme, enfin, il aime bien la psychiatrie quand même, Mauriac. Il aime bien les ressorts de l'âme, hein, parce que là, il est rentré à un moment, Thérèse devient vraiment folle. Elle imagine tout, des complots. Il y a un côté psychotique terrible. Hein. Mais au-delà de ça, bon, c'est un peu la punition divine, quoi. C'est, elle est travaillée par le remords et elle finit par. C'est un ver qui la ronge et qui la rend folle. Voilà. Donc travaillée par la culpabilité. Alors ça, c'est vers la fin du livre. Alors, donc, elle est à Paris. Elle voit sa fille, très peu, mais elle la voit. Et là, elle débarque, sa fille. Elle débarque à Paris. Elle, en cachette du père, elle est partie. Et elle demande à sa mère de l'aider parce qu'il y a un homme qu'elle aime qui... Alors, c'est un métayer, c'est le fils du métayer, donc c'est pas la même classe sociale. Du bled d'Argelouze ou de Saint-Clair, je sais plus. Enfin, dans les Landes. Donc, qui lui plaît, sauf qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont plus riches que les Mauriac, que les... Ça y est, je confonds. Que les Desquerous. Ils sont plus riches parce que il y a eu la crise, etc. Donc, c'est quand même une mésalliance un peu pour les deux, et en même temps, un bonus. C'est-à-dire que... un petit bonus pour les Desquerous, parce que, bon, au moins, les autres sont pas pauvres, donc c'est toujours bon à prendre. Et une mésalliance parce que... ils sont pas du même monde, hein, c'est quand même des métayers, donc pas bien. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est une promotion sociale, parce que les Desquerous, c'est quand même les anciens maîtres des lieux. Enfin, anciens, ils sont toujours, mais ce qu'ils possèdent vaut beaucoup moins qu'avant. Et or, eux, qui sont plus riches, là, ils ont un problème aussi avec la crise, et donc ils ont besoin d'argent. Donc, ce qu'ont encore les Desquerous, ça les aiderait bien. Bref. Donc, il y a tout ça, un peu. Alors, la fille, donc, elle est amoureuse d'un homme, Georges Philo, qui fait ses études de droit à Paris. Alors, à mot couvert, ça, pour ça, Mauriac, il est fort. Hein. Il sous-entend toujours que les gens font l'amour, mais peut-être moins directement que dans Thérèse. Ouais. Mais enfin, quand même. Donc, il sous-entend que la fille a vu le loup avec lui. Ils ont passé de bons moments. Thérèse, elle est un peu au-dessus de ça, c'est pas ça qui la choque. Bon, ça quand même. De ce point de vue-là, il est assez moderne, Mauriac. Il a un fond moderne. C'est marrant. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que. On sent bien que c'est quelqu'un de. Voilà. D'ailleurs, c'est dans la préface, là. Il admire cette liberté des hommes de pouvoir se faire fi du carcan social. Il aime cette idée. Et en même temps, a priori, il n'en est pas l'archétype. De même sur la religion. Il défend quelqu'un qui est un monstre, entre guillemets. Et puis, il est tiraillé parce que maintenant c'est un auteur chrétien. Alors, on sent la contradiction permanente. Permanente. Donc, sa fille débarque, elle demande l'aide à sa mère. Alors, sa mère, elle est d'abord contente de voir sa fille, même si, elle la trouve un peu bécasse. Mais enfin, en même temps, elle lui ressemble. Enfin, on sait pas trop, quoi. Elle est contente de voir sa fille, mais aussi. Elle est très très vite déçue parce qu'elle comprend que sa fille vient parce qu'elle a un but. Hein, voilà. C'est pas désintéressé. Ah là là. C'est tout le problème. Quand c'est pas désintéressé, c'est pas bien. Bon, on peut comprendre aussi. Hein. Donc, elle lui demande de l'aide. Alors, parce qu'a priori, ce qui gêne le Georges. C'est la situation de la mère aussi, et puis le père aussi, hein, Bernard, il est pas pour ce mariage, donc c'est un peu embêtant, quoi. Bon, mais tout ça, c'est un peu... je vais passer les détails. Thérèse qui propose de donner son argent, tout ce qui est sa part, en fait, à se dépouiller pour sa fille, pour convaincre l'autre de l'épouser. Alors, c'est assez bizarre. Ça, c'est Mauriac, ça, c'est... je sais pas, il y a un côté très dissymétrique, homme-femme dans l'amour, enfin, c'est très étrange. Quoi. Parce qu'en gros, on sent très vite que le Georges n'aime pas Marie, n'aime pas en tout cas au sens aimé réel, enfin, il a passé de bons moments avec elle, quoi, bon, c'est tout. Et on voit pas très bien non plus ce que Marie lui trouve. Surtout qu'elle est. Elle est consciente quasiment qu'il l'aime pas. Mais elle oscille sans cesse entre se demander s'il m'aime, mais en même temps elle sait qu'il l'aime pas. Ça, c'est un gros problème. Bref, elle demande l'appui de sa mère, donc finalement, je passe sur les détails que j'ai un peu oubliés, mais en gros, sa mère va rencontrer le fameux Georges. pour aider Marie. Elle veut lui expliquer tout ça, lui expliquer le fric pour le décider, mais lui, en fait, il tombe amoureux d'elle. Voilà. Et que lui, il a 22 ans, donc il est plus vieux que Marie, qui n'a que 17, je crois, mais... il est... comment dire, il est bizarre, ce personnage. A priori, c'est un homme... il pense, contrairement à Marie, hein, il a une vie intérieure, mais c'est un homme très fragile, au fond de lui, très... Il est torturé, quoi. Il y a une espèce de désespoir profond en lui, qu'on creuse pas de façon très très poussée, mais enfin quand même, en tout cas, Thérèse Desqueyroux a bien conscience de l'immense, de l'abîme qu'il y a entre Marie et Georges. Parce qu'elle, elle comprend Georges, elle comprend le désespoir de Georges. Parce que bon, d'abord elle connaît, hein, et ensuite elle est fine, et ensuite elle est plus vieille, donc bref, elle comprend tout ça. Et Georges est fasciné par Thérèse parce qu'il sent qu'elle le comprend, et voilà. Alors, toujours Thérèse, ça c'est un grand leitmotiv dans le roman, est-ce que je dis mon crime à ma fille? Parce qu'en fait, elle découvre avec surprise que sa fille n'est pas vraiment au courant du crime de sa mère. Elle pense que sa mère, juste, elle a aimé éventuellement, elle a trompé éventuellement son mari qu'elle s'est barrée, quoi. Pas bien compris. Alors du coup, Thérèse essaye de lui expliquer. Mais Marie s'en fout un peu, d'ailleurs. Alors ça énerve Thérèse. Enfin bon, il y a d'échanges de ce type-là. Et pareil, Thérèse fait un peu ça avec Georges. Elle sous-entend tout ça. Georges, c'est pareil, il est fasciné un peu. Est-ce qu'elle a vraiment commis un crime? Parce que lui, il en sait plus que Marie. Mais bon, c'est toujours un peu en filigrane. Pour finir, Marie retourne dans les Landes et Thérèse voit Georges de temps en temps. À la demande de Georges d'ailleurs. Et Thérèse a bien compris que Georges avait des sentiments pour elle. Et ça lui donne un plaisir incroyable. Ce qu'on peut, là par contre, pour le coup, c'est vrai qu'on comprend très bien. Qu'est-ce qu'il est bon d'être aimé, surtout qu'en plus, il a 22 ans, elle en a... Elle n'est pas très vieille normalement, hein. Elle a... ça fait 15 ans. 15 ans qu'elle est à Paris. Bah non, ça fait 17 ans en fait. Bah oui, c'est l'âge de sa fille, oui, ça fait... En gros... Bon, elle a 40 ans à tout casser, Thérèse, mais c'est déjà une vieille femme. Déjà, on n'est pas aujourd'hui, hein, c'est sûr que... Donc elle est très heureuse de voir... Puis bon, elle a les portraits stigmates de son âge, alors elle a pas beaucoup de cheveux, alors du coup si elle cache son front avec un chapeau avec ses cheveux, ça va, mais si elle tire ses cheveux en arrière et qu'elle a pas de chapeau, a priori on voit, et c'est ce à quoi fait référence Mauriac dans la préface. En gros, elle est persuadée que pour repousser un homme, il suffit de lui montrer son front large, avec moins de cheveux, et que ça suffira. Et ça ne suffit pas, d'ailleurs. Bref, donc elle rencontre, je vois Georges, elle est très heureuse de susciter ce sentiment chez lui, mais en même temps elle s'en veut en permanence. Ah oui, non, il faut pas que je ressente ça, oui, mais je le ressens, ah, je suis quand même contente, oui, mais non, il faut pas, il faut que je pense à Marie. Bon. Ça, on est vraiment là dans le roman chrétien. Hein. La culpabilité permanente, tiraillée entre c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pour être bien, pour sa fille, tout ça, enfin bon, c'est... Il n'y avait pas ça dans Thérèse, et c'était pas plus mal, parce que là, ça... En même temps, on peut très bien comprendre, par contre, évidemment, ce tiraillement entre l'envie de se racheter, au moins aux yeux de sa fille, vouloir que sa fille soit heureuse, et puis son bonheur à elle, ça se comprend bien. Mais il y a une vision moraliste de ça qui, par contre, est un peu plus énervante. Voilà. Alors donc, elle le voit, il est de plus en plus amoureux d'elle, puis à un moment, il se retrouve chez elle, et là, il y a une scène un peu terrible, où c'est un peu l'acmé, là. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il lui explique qu'il est amoureux d'elle, elle en peut plus de bonheur, mais en même temps, elle veut le repousser parce qu'elle pense à Marie. Voilà, pour simplifier, c'est ça. Et puis elle fait sa Thérèse. Alors faire sa Thérèse, alors c'est marrant parce que ça, on n'avait pas bien compris dans le premier, c'est normal parce que ça n'était pas arrivé, ou pas comme ça. Il en fait un personnage, alors, qui est criminel par la pensée. C'est-à-dire que dans Thérèse Desqueyroux, elle tente de tuer son mari en l'empoisonnant. Bon, à petit feu. Là, finit ça, bien sûr. Mais c'est toujours un être corrompu, hein, comme il dit, mauvais au fond. Hein, ça, c'est, oh là là. Avant d'être pardonné, elle est mauvaise au fond, quoi. Ah, c'est bien chrétien ça. Au lieu de penser qu'elle est bonne au fond et qu'il faut se dépouiller des raisons qu'elle a d'être mauvaise, non, c'est elle est mauvaise au fond, mais elle sera pardonnée et puis après ça sera bien. Elle fait sa Thérèse parce que ça arrive deux fois dans le roman. Et en fait, elle fait mal à Georges. Elle fait mal à Georges. Juste avec ses mots. Alors, c'est bizarre parce qu'en gros, quand elle lui explique son crime, elle lui dit qu'il peut pas l'aimer. Hein, en gros, elle peut pas, il ne peut pas l'aimer elle parce que elle, c'est un monstre. Bon, elle est pas digne d'être aimée, etc. Bon. Mais au fond d'elle, elle n'y croit pas une seconde, donc c'est un peu. Bon. C'est plus pour mettre à distance. Bon, ça, c'est effectivement, ça part d'une bonne intention. Et alors, elle. Mais en même temps, il y a une réflexion philosophique à ce moment-là, c'est qu'elle lui dit, mais enfin, mon crime, mon crime. Et là, c'est là qu'elle, quelque part, c'est assez étrange, parce que c'est comme si elle voulait elle voulait se dédouaner de son crime en disant qu'en fait, on est tous des criminels. Et en même temps, donc là, quelque part, effectivement, se dédouaner, mais en même temps, repousser Georges en lui portant un coup. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, mais vous, Georges, mais mon crime, le problème, c'est que c'est un crime bien visible aux yeux de tout le monde. Enfin, aux yeux. Bon, pas la police, puisque bah, sinon elle aurait été en prison. Mais en gros, mon crime, oui, bon, bah voilà, je suis passé aux actes. Mais elle lui dit, mais en fait, il y a plein de petits crimes comme ça, faits par les gens. Et ça, on en a tous commis, n'est-ce pas, hein? Et vous aussi, Georges, hein? En lui, non, non. Mais si, si, hein, dites-moi, bien sûr que si, hein. Ah, si, peut-être, ah, racontez-moi, racontez-moi. Et puis il raconte une histoire où il avait un petit camarade quand il était ado et qu'il a repoussé son amitié, que ça a peut-être détruit la vie de son camarade qui a fini par s'engager dans l'armée et aller mourir au Sahara. Bref, en tout cas, ça a détruit Georges de se rappeler de ça et de le dire. Et surtout que suis. Peut-être que ce qui a vraiment en plus détruit, c'est que quand il a raconté ça, elle a bien senti que ça l'avait fait souffrir énormément. Mais elle ajoute, alors c'est pas très chrétien là, du coup, elle ajoute, ah, ça n'est que ça. Mais alors, sur un ton, effectivement, pas pour le rassurer ou machin, mais c'est presque le mépris de son geste, c'est presque le mépris, quoi. Alors ça, et bon, bref, c'est une belle discussion, hein, très fine. Et là, Georges, je lui dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait mal? Et tout à coup, lui qui avait vu son front dégagé et qui était encore toujours éperdument amoureux d'elle, et elle en était surprise, là, tout à coup, il la voit telle qu'il est, il l'aime plus. Enfin, il l'aime plus. C'est pas si simple, mais en tout cas, il lui en veut énormément. Parce que, là, je l'ai dit, c'est quelqu'un de fragile en plus, qui a des états d'âme, etc., etc. Donc, il la quitte. Enfin, il quitte physiquement, là, il retourne chez lui, mais elle lui arrache quand même la promesse, alors, parce qu'il a pitié d'elle, parce qu'elle, elle s'effondre un peu à ce moment-là, et puis il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis elle finit par dire, bah, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, promettez-moi de vous marier avec Marie. Ah! Et il finit par accepter, dire, tant que je vivrai, tant que je vivrai. Mais il s'est même pas débattu pour accepter ça. Alors Thérèse se dit, bon, bah, finalement, il a bien conscience que même s'il n'aura pas le grand amour avec Marie, comme elle est amoureuse de lui, ça se passera bien. Ils auront une vie, voilà. Bon, c'est pas la passion, mais ça ira. Sauf que pendant la nuit, elle peut pas dormir parce que ça lui fait mal d'avoir repoussé l'homme qui lui donnait de l'amour, enfin, qui rehaussait tellement son ego. Déjà, ça l'a fait énormément souffrir, mais en plus, tout à coup, elle se dit, tant que je vivrai. Et si c'était l'annonce d'un suicide. Alors c'est pas dit, hein. Alors, du moins c'est pas dit à ce moment-là, clairement, mais bien sûr on comprend vite. Enfin bien sûr. Je sais pas si j'aurais compris à 15 ans, si j'avais lu ça à 15 ans, mais là on comprend très bien. Donc finalement elle part au petit matin, elle va à son hôtel, il est pas là, alors elle pense qu'il s'est suicidé, elle trouve son ami, Mondou, là je vais pas partir parler de lui, mais bon, pas si, un petit peu plus tard, il faudra que j'en parle. C'est le grand ami de Georges, c'est quelqu'un d'intelligent mais un peu méprisant, et Georges l'admire. Enfin, Oui, l'admire. Et lui aussi, il a peur pour Georges. Donc, ils attendent tous les deux dans la chambre de Georges. D'ailleurs, ça pétille entre eux. Ça, ils n'aiment pas du tout. Hein. Ils ne s'aiment pas. Parce que elle a plus ou moins essayé de rendre Georges jaloux en faisant du gringue à Mandou. Alors, ça. Et Mandou lui balance ça, lui dit, mais vous avez essayé, hein, c'est vieux comme le monde de séparer des amis comme ça, hein, enfin bon, bref, et il avait raison d'ailleurs. Bref, et Georges arrive. Ouf, il s'est pas suicidé. Donc Thérèse est très très heureuse, elle veut le voir, enfin elle aurait aimé le voir, mais lui, il veut pas la voir, il dit à Mandou, je veux pas la voir. Bon, alors elle s'en va, mais il y a une dernière discussion avec Mandou avant qu'elle parte, et là, elle fait sa Thérèse. Parce que lui, donc, il lui reproche des tas de choses sur ce qu'elle est, et il a tout à fait raison. Et elle l'attaque là où elle pense que ça lui fait très mal, en disant, mais vous, de toute façon, vous préférez haïr les femmes, parce que de toute façon, vous n'en aurez aucune. Et c'est pas enfin comme ça que vous en aurez aucune. Enfin bon, vous êtes pitoyable, c'est pour ça que Georges est avec vous, il risque rien avec vous. Enfin, parce que vous êtes tellement moche, enfin, tellement peu attirant pour une femme, etc., etc. Alors ça fait mouche. Alors il s'en veut. Alors elle essaye de se rattraper. Bon là ça fait... Bon, on n'est pas dans Thérèse là. Hein. Bon alors elle a vraiment changé beaucoup. Bref, il se sépare comme ça et lui, même si on sent que ça l'a énormément touché, il dit à Thérèse mais vous m'avez pas fait mal, mais on sent que c'est plus une défense orgueilleuse que la vérité. Alors elle retourne chez elle. Finalement, parce que comme elle avait peur que Georges se suicide, elle avait écrit un petit mot à Georges en disant qu'il pouvait revenir sur son engagement. Elle voulait qu'il retrouve une sorte de liberté, donc en disant qu'il n'était pas obligé d'épouser Marie. Sauf que Georges, le lendemain, il écrit à Marie pour lui dire que tout est fini, et il joint le mot de la mère en disant « Regardez, d'ailleurs, votre mère est d'accord avec... Elle m'approuve dans le... Elle me rend ma liberté d'engagement en disant que je peux rompre avec vous. » Marie, ça la détruit, elle vient en catastrophe à Paris et elle trouve sa mère à moitié folle, parano, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, Marie essaye de retrouver Georges, mais Georges est parti avec une autre femme, bon, il est plus joignable, bon. Donc, Marie, au début, était en colère contre sa mère, et puis finalement, quand elle voit qui elle a en face d'elle, elle change d'attitude, elle aide sa mère. Bon, c'est très très sympa. Là, c'est un bon côté. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Sa mère est tellement parano qu'elle veut rentrer avec sa fille pour être en sécurité. Mais rentrer, c'est-à-dire revenir à Argelouze, incroyable. Après 15 ans sans y être, dans un état incroyable, enfin bon. Et là-bas, bon bah, elle rentre avec sa fille. Sa fille pense que ça l'aidera par rapport à son père, comme ça, elle dira qu'elle était venue à Paris uniquement pour aider sa mère. Enfin bon, voilà, une excuse à deux balles. Donc, elles rentrent toutes les deux, et en gros, Thérèse va agoniser là-bas, dans la maison où elle avait fait son crime. Alors, elle a bon, paranoïa, elle a peur que sa fille l'empoisonne, parce qu'au début sa fille est très gentille, puis à la fin elle en a marre. Surtout qu'il y a encore une grande, grande scène où sa fille rencontre Georges, qui revient pour les vacances chez ses parents, puis qui va arrêter d'aller à Paris, je crois que le droit, il n'ira jamais. Et a priori, donc, elle veut lui dire, allez, rencontrons-nous une dernière fois, parce qu'il faut qu'on fasse une... faut qu'on se sépare proprement, entre guillemets. Donc... elle lui demande de le voir une dernière fois. Et là, Georges, bah, il aimerait renouer. Alors, on le sent très bien. Bon, il le dit pas comme ça, mais on le sent très bien. Mais elle a vite la haine contre lui parce que elle commence à deviner à quel point il aime Thérèse d'Escuran. Il aime sa mère. Ça la rend folle. On peut comprendre d'ailleurs. Donc, on pense effectivement à un moment qu'elle va commettre un crime et qu'elle va empoisonner sa mère en retour puisqu'elle s'occupe d'elle, etc. Et d'ailleurs, Thérèse le croit à un moment, donc l'histoire aurait été bouclée, ça aurait été un peu gros quand même. Mais enfin bon, ça ne se passe pas. C'était une simple crainte de Thérèse. Mais pas une crainte complètement ridicule dans la mesure où, pour rassurer sa mère, souvent, Marie, qui était parano, sa mère buvait une goutte de la soupe pour lui montrer que c'était pas dangereux. Et le jour où Thérèse a vraiment peur d'être empoisonnée, Marie n'a pas envie de la rassurer et elle ne boit pas dans la soupe. Donc c'est un peu, je joue à te faire peur, quoi. Ça en dit long. Mais c'est vrai qu'avec ce que George a, ce qu'elle a entendu de George, de George, on peut comprendre. Hein. George revoit Thérèse, il se passe pas grand-chose. Si ce n'est qu'à chaque fois, elle fait une syncope après l'avoir vue. Et qu'elle est à deux doigts de mourir. Et d'ailleurs, dernière page. C'est assez terrible parce que Georges veut la voir, il veut lui dire plein de choses, il veut, enfin, on sent que en tête à tête, donc sans mari, il veut lui, en gros, il veut lui expliquer son amour, quoi, parce qu'on sent qu'il l'aime encore. Et puis Thérèse, elle se replie sur elle-même là, de plus en plus. Elle est heureuse de savoir que Georges pense à elle, mais elle devient un peu folle, un peu sénile, et, parce qu'ils ont demandé à Anna de venir de Paris, de s'occuper d'elle. Mais Anna va se marier avec un chauffeur. Et donc elle va devoir partir dans 15 jours. Et Thérèse ne sera peut-être pas morte parce qu'elle met plus de temps à mourir que prévu. Ils en ont tous marre. Bernard, Marie, bon, qui essayent de la veiller, mais ils en ont ras le bol. Donc ils font venir Anna pour les aider. Mais Anna ne restera pas. Et puis, du coup, Thérèse aimerait que le fiancé d'Anna vienne là-bas pour que Anna n'ait pas à partir jusqu'à ce qu'elle meure. Bernard refuse d'engager un chauffeur dont il n'a pas l'utilité, surtout qu'ils sont moins riches en ce moment, enfin même un peu dans la dèche. Et du coup, elle demande à Georges, alors que lui, il voulait lui parler plein de choses et tout, il lui demande est-ce que son père peut pas embaucher le chauffeur. Enfin bon, le truc qui rend pas heureux Georges du tout, parce que c'est pas du tout à ce niveau-là qu'il voulait situer une conversation avec elle. Mais il accepte. Seulement, il lui en veut énormément. Énormément. Donc Georges ne paraissait pas content, visage crispé, tout ça, oui, je m'étonne. Il protesta, mais non, il en parlerait à son père. Il ne croyait pas qu'il y eût en ce moment une place libre, mais en attendant, on pourrait toujours occuper ce garçon. Elle poussa un soupir de joie et regarda Georges. Il avait la tête basse, un air sournois, de mauvais chien, comme cette nuit rue du Bac. Oui, quand elle lui avait fait mal. Une voix lointaine, étouffée par la distance, répétait à Thérèse, c'est lui pour la dernière fois. C'est l'enfant bien-aimé. C'était Georges. Quel coup venait-elle de lui porter encore pour qu'il la dévisageât avec cet air de douleur? Il vit le trouble de Thérèse. Voilà le moment venu de lui jeter ce qu'il avait résolu de lui dire et que d'ailleurs elle ne comprendrait plus. Il commença. Non, vous ne m'avez pas fait mal. Un peu la suite de la discussion où il avait eu si mal. Mais il avait oublié les autres paroles à préparer. Alors au hasard, il posa cette question. Vous allez dormir maintenant? C'est terrible, hein? Vous ne m'avez pas fait mal, mensonge. Vous allez dormir maintenant, euphémisme, elle va mourir. Elle va mourir. Vous allez donc mourir maintenant. Marie ouvrit la porte et cria que les 5 minutes étaient passées. Parce qu'elle supportait pas de les laisser en tête à tête, on peut comprendre. Adossée aux chambres. Alors elle va au fait être avec Georges toute sa vie finalement, ils ont quand même. C'est vraiment pas le truc d'amour, mais enfin bon, ils vont être ensemble. Adossée au chambranle, elle observait Georges debout, un peu penché vers le fauteuil de Thérèse qu'elle ne voyait pas. Il sembla n'avoir pas entendu Marie et répéta sa question. Vous allez dormir? On a l'impression que là, il veut lui faire mal. Hein. La malade secoua la tête. Elle ne dormait plus guère parce qu'elle étouffait. Le temps paraît long dans le noir. Vous prenez un livre? Non, elle ne pouvait plus lire. Je ne fais rien. J'écoute sonner les heures. J'attends la fin de la vie. Vous voulez dire la fin de la nuit? Là, bon, double sens, tout ça. Bon, Moria qui l'a casé, sa fin de la nuit, quoi. Tout à coup, elle lui saisit les mains. À peine quelques secondes, put-il soutenir le feu de ce regard tendre et désespéré. Oui, mon enfant, la fin de la vie, la fin de la nuit. Voilà, c'est quand même une belle fin, non, je trouve. Bon, même si, voilà, c'est téléphoné, voilà, un petit peu téléphoné. La fin de la vie, la fin de la nuit. Bon. Alors, je vais lire quelques passages parce qu'il y en a quelques-uns qui sont très beaux, hein. Toujours ma séquence passage. Alors. Tac, ta, ta, ta. Page 17. Faut retrouver les pages quand on a les doigts secs, mais par ça. Voilà. Alors. Alors, mais elle s'en veut, elle se traite, alors je trouve ça typique, quoi, voilà, il ne fait plus la même Thérèse, elle s'en veut, elle dit, lâche, elle se traite elle-même de lâche. C'est horrible d'avoir voulu donner la mort à autrui quand on la redoute pour soi-même. Ça a pas beau, c'est beau, c'est... Enfin, en plus, en même temps, je souscris, c'est... Mais on sent qu'il a... Comme si tout criminel se demandait s'il redoutait la mort, enfin... C'est intéressant sur le plan moral, mais c'est pas quelque chose de... Bah oui, c'est... Voilà, ne fais pas aux autrui ce que vous voulez pas qu'on te fasse. Bon, bah très bien, mais est-ce qu'un criminel a jamais raisonné comme ça? Est-ce qu'un criminel donne la mort parce qu'il a pas peur de la mort? Est-ce que ça a du sens? Bon, sans doute pas. Non-lieu, non-lieu. Libre enfin, avait-elle cru. Comme s'il appartenait aux hommes de décider qu'un crime n'a pas été accompli, lorsqu'il l'a été en effet. Elle ne s'était pas doutée, ce soir-là, qu'elle entrait dans une prison pire que le plus étroit sépulcre, dans la prison de son acte, et qu'elle ne s'en évaderait jamais. Alors là, là on est vraiment dans la culpabilité chrétienne. Ouais. Comme s'il appartenait aux hommes, hein. Il appartient qu'à Dieu de juger. Oh là là là là. Si Dieu pardonne, Dieu ne juge pas. Enfin bref. Alors autre passage. Thérèse songeait. Ses paroles ne lui ressemblent pas. Elle répète les propos de son entourage. Elle pense. Elle parle de Marie, je crois. Jeune fille, j'ai dit les mêmes bêtises. En famille, les autres nous imposent leur élément. Nous ne pouvons que nager dans cette eau saumâtre. C'est déjà beau de ne pas couler. Ouais, bon, là, je trouve que hors propos, hors contexte, pas évident de bien saisir l'intérêt de cette citation. Je reconnais. Alors, petit passage. Alors là, par contre, je trouve c'est intéressant. Sur le plan spirituel, du coup, là, pour le coup, c'est intéressant. Assise à la terrasse des Deux Magots, c'est le restaurant où elle rencontrait Georges, elle se forçait à boire un anis pour être un peu ivre. Tuer ces remords dont s'engraisse notre orgueil, songeait-elle. Tout est bon à l'orgueil. Alors ça, c'est très intéressant parce que effectivement, avoir des remords, c'est aussi être orgueilleux. Ah, je m'en veux d'avoir fait ça. Pour être quand même quelqu'un de bien, on s'en veut pour être quelqu'un de bien. Et ça, elle a bien compris. Et ça, Mauriac a bien compris. Ça, c'est vrai que je trouve ça assez passionnant. C'est d'ailleurs, là, bon, je dis ça parce que c'est vrai que c'est le dans mes lectures... dans des livres dans le bouddhisme ou sur le christianisme d'ailleurs, on voit bien que l'ennemi c'est l'orgueil et l'orgueil peut naître aussi du fait de reconnaître toutes ses faiblesses, hein. C'est le moine qui se flagelle et lui-même qui est le plus orgueilleux, donc c'est détruire l'orgueil, c'est plus fin que d'avoir des remords. En même temps, ne pas avoir de remords, bon, tout dépend, faut pas se sentir coupable, mais en tout cas, savoir ce qui s'est passé. Enfin, là, je trouve qu'effectivement, c'est assez fin. De déceler jusqu'où peut aller que l'humilité dans la repentance n'est pas forcément l'humilité. Voilà. Au contraire, ça peut être le plus grand orgueil. Et ça, je trouve que c'est bien vu. Très bien vu. Alors, une citation. À la coupole, dit-elle en s'installant dans l'auto. Elle croyait être ruinée, mais ses ressources actuelles eussent paru fabuleuses à cette femme qui emporte maintenant dans un papier jaune ce petit morceau de viande violacée. Ce n'est pas souffrir que de pouvoir ruminer sa souffrance, hors de toute contrainte. Le luxe est collé à nous, notre douleur même est un luxe, pouvoir s'enfermer dans une chambre et pleurer. Cet argent qui s'est toujours trouvé au bout de nos doigts au moment nécessaire. Ainsi rêvait Thérèse, et cependant, elle disait au sommelier : Vous avez un bon champagne, nature ? Alors oui, frapper. Bon, je trouve que là, c'est passionnant parce que, enfin, je trouve ça très intéressant. C'est peut-être la remarque politique du livre, hein. C'est un luxe, la souffrance, sans se poser de questions d'argent. Et là, Mauriac, là, pour le coup, écrivain de droite, mais enfin, là, pas bête, hein. Là, ça fait plutôt gauche, d'ailleurs, hein. Je trouve ça. Bon, on sent que c'est pas Zola, hein, non plus, hein. Mais ce passage lui-même, si. Bon, il est isolé dans le livre, voilà tout. Mais sinon, je trouve qu'il est fort politiquement, très très fort. Un peu après 6 heures, elle entendit le timbre de l'entrée, puis une voix mâle que coupait le rire énervé de Marie. Parfois, ils parlaient tous les deux ensemble et baissaient brusquement le ton. Ils doivent s'entretenir de moi, songeait Thérèse. Le silence se fit, et elle eût pu croire que le salon était vide. Ah, il y avait entre eux cette entente. Les corps ont pitié des cœurs séparés. Ils franchissent l'abîme. Ils se joignent au-dessus de l'abîme pour le masquer, pour le recouvrir. Ce devait être lui qui appuyait sa tête contre l'épaule de Marie, et tous les problèmes étaient résolus, et toutes les questions posées pouvaient bien demeurer en suspens. Ouais, ça c'est magnifique, hein, les corps qui se joignent, puisque les cœurs seront toujours séparés par un abîme. Mais alors, j'espère que j'ai noté, il y a un autre passage, j'espère que j'ai noté. Bon. Une très belle phrase de Thérèse. Je pense que oui, je pense que je l'ai noté. Alors, peut-être que c'est celui-là d'ailleurs. Ah voilà, c'est ça. Je crois qu'elle parle avec Georges. Elle lui dit au fond, vous l'aimez, en parlant de Marie. Il répondit, je ne sais pas. Il semblait attendri et souriait dans le vague. Il se leva, alluma une cigarette. Et comme Thérèse disait, il faudrait. Puis s'interrompait. Il s'accota à la bibliothèque. Quoi? Que faudrait-il? Que la vie avec la créature que nous avons choisie et qui nous a choisis fût une longue sieste au soleil, un repos sans fin, une quiétude animale. Oui, avoir cette certitude qu'un être est là, à portée de notre main, accordé, soumis, comblé, et que, pas plus que nous-mêmes, il ne désire d'être ailleurs. Il faudrait alentour une telle torpeur que la pensée fût engourdie, afin de rendre impossible, même en esprit, toute trahison. C'est magnifique, hein. Là, c'est vraiment. Je trouve que c'est très très bien dit, très fin. Là, il a senti quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, dans ces moments-là, quand il y en a, quand la pensée repart. Le problème, c'est la pensée, là. C'est finalement la pensée, naissance du dualisme. Quand la pensée repart et que l'un des deux sent que l'autre pense, il lui demande, mais à quoi penses-tu? Et c'est justement, en général, on n'a pas envie de répondre. Et tout est là. Et parce que la trahison est dans la pensée. La trahison, comme d'autres choses, mais en tout cas, le gouffre aussi entre les êtres est dans la pensée. Alors, autre passage. Ah oui, s'il lui demandait ce qui s'était passé, Georges, à Thérèse, ce ne serait d'ailleurs pas. Elle voudrait mentir. Mais ce ne serait pas mentir. C'était une autre qu'elle-même. C'était une Thérèse inconnue. Alors, c'est bien ça, je suis d'accord avec Mauriac. C'est une autre elle-même. Une autre elle-même, puisque c'était pas Thérèse. Il a changé le personnage entre les deux livres. C'était une Thérèse inconnue qui, 15 ans plus tôt, pendant des semaines, poursuivait un dessein abominable, abominable, avait chaque jour retrouvé la force. L'assassinat au jour le jour. Quel rapport entre la démence de ces lointaines années qui faisait exprès de ne pas compter les gouttes d'arsenic dans le verre de son mari et la Thérèse de ce soir? Quelle ressemblance? Point d'interrogation. Ben oui, je suis d'accord. Ben c'est pas terrible, justement, qu'il n'y en ait plus. Enfin, qu'il n'y en ait plus. Il y en a. Il y en a, mais il y a quelque chose qui est différent, effectivement. Alors, bon, c'est le droit de Mauriac, hein. C'est sa Thérèse, hein, comme il dit, qui vit en lui. Vous avez dit, et il lui répéta presque mot pour mot, il faudrait que la vie avec la créature que nous aimons, etc., etc. C'est la citation que j'avais faite. Donc c'est Georges qui se souvient de la citation de Thérèse mot à mot, en disant que c'était une très belle phrase que vous m'aviez dit, etc. Donc, Et là, je trouve que c'est assez marrant parce que c'est quand même Mauriac qui écrit une phrase, comme par hasard, effectivement sublime, et qui l'a fait citer par un de ses personnages, plus loin, en double donc, en disant que c'était effectivement beau, et enfin. Jusqu'où Mauriac a pris conscience qu'il écrivait quelque chose de très beau, jusqu'où, en écrivant, parce que je pense qu'il y a quand même des moments où dans un roman comme ça où on écrit pour dire quelque chose de l'histoire, quelque chose d'assez prosaïque, d'assez pragmatique, d'assez concret, et puis des moments où on veut faire quelque chose de magnifique. Un peu, Céline, lui, c'est dans tous les paragraphes qui glisse une phrase sublime. Mauriac, quand même, un peu moins, mais en tout cas, est-ce qu'il avait conscience d'écrire une phrase forte au moment où il écrivait? Probablement, ou que c'était une sorte de poésie philosophique sublime, enfin. Et jusqu'où il en avait conscience en écrivant, jusqu'où il voulait écrire quelque chose de sublime, pour ensuite le réutiliser, je sais pas, il y a une mise en abîme intéressante. Est-ce qu'il se lance des fleurs à lui-même? Est-ce qu'il veut insister sur ce qu'il a dit? Difficile d'oublier l'auteur, je trouve. Bon, enfin, c'est aussi parce que j'ai la volonté de réfléchir de cette façon-là, c'est pas nécessaire du tout. Mais je trouve ça intéressant quand un auteur se cite lui-même. ça colle très bien avec l'histoire, il n'y a pas de souci, hein, mais bon. Alors, un peu plus loin. Oui, sans doute la politique, disait Thérèse. Il ne fallait pas appartenir à cette espèce d'être que l'histoire de leur propre cœur accapare tout entier. Les politiciens sont égoïstes. Voilà ce que dit Mauriac. Là, il a une attaque. Alors, parce que Mauriac, je pense qu'il avait une certaine une espèce de pureté politique, enfin, une espèce de grandeur, une vision assez élevée de la politique, un idéal politique. Voilà, il était gaulliste et je pense que il admirait sans doute l'homme sans compromis, etc. De Gaulle ne l'était pas d'ailleurs, mais enfin bon, admettons. Il avait cette grandeur par rapport à d'autres, c'est sûr qu'il n'était pas le petit politicard de la quatrième, hein, De Gaulle. Mais quand même, il n'était pas exempt de... Bon. Mais il ne fallait pas appartenir à cette espèce d'être que l'histoire de leur propre cœur accapare tout entier. Le plus souvent, ils en éprouvent de la honte. Ils feignent de s'intéresser à ce qui passionne le monde autour d'eux. Ils dissimulent comme une honteuse plaie de leur nature cette angoisse panique, cette tendresse désespérée devant une seule créature. Désespérés parce que pour eux toute possession est illusoire. Ce que l'on tient n'est déjà plus là. À chaque minute se pose à nouveau la question de savoir si l'on est encore aimé, s'il n'y a pas eu de fléchissement. Voilà, parce que, bon, c'est le fait que effectivement la passion des gens pour eux c'est fragile et ils en sont bien conscients, c'est conscient, et c'est ce qui est dur à vivre pour un politicien. Oui, bon, d'accord. Moi, je serais plus un artiste, un politicien, il a un but de pouvoir, quand même. À la limite, il s'en fout d'être aimé, tant que s'il arrive, il veut bien... être aimé est un moyen, souvent. Bien sûr que ça peut être grisant, et c'est une partie du plaisir qu'ils peuvent recevoir. Mais c'est un moyen pour acquérir le pouvoir. Alors qu'un artiste, bon, c'est aussi un moyen pour acquérir du fric, mais je pense que il y a quand même au cœur de ça, d'abord, un artiste, bon, au sens large, hein. Pas un grand peintre, je crois pas, hein. C'est plutôt un chanteur de variété, quoi, hein. Alors, tout à coup ce soir, elle était devenue une autre que celle qui l'avait fascinée. Voilà, c'est au moment où elle se sépare de lui, enfin où elle lui dit une horreur. Que celle qui l'avait fascinée dès le premier jour, elle était devenue pareille à ce que racontaient les gens d'Argelouse. Voilà. Et il venait de subir ses maléfices, un peu, bon. On dirait du Harry Potter, là. Enfin bon. Je suis dur. Alors, cela ne vous engage à rien, mais je demeure persuadé que si vous avez de la patience, je crois que c'est Thérèse qui parle à Georges à propos de Marie. L'important pour vous, je vous connais, mon pauvre enfant, ce n'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. C'est qu'une femme vous prenne à sa charge. Oui, qu'une femme se charge de vous, tandis que bien souvent, vous serez comme un fou à propos de quelque autre. Vous voyez, il ne s'agit même pas d'être fidèle. Croyez-vous que Marie n'accepte pas d'avance tous les coups que vous lui porterez? Ce n'est pas cela qui compte, mais seulement que vous soyez dans sa vie, que vous y demeuriez à jamais. Ouh! Quelle vision cynique de l'amour! Et le, voilà, c'est le déséquilibre homme-femme qui peut paraître un peu bizarre, mais je crois qu'il y a du vrai là-dedans. En moyenne, hein, toujours pareil. Hein. Alors peut-être que c'est un déséquilibre dans tout couple plutôt que homme-femme, mais là il y a quelque chose. On n'est pas dans Paul et Virginie là, du coup. Hein. C'est quand même voilà, une femme se charge de... Vous avez besoin d'être aimé, mais pas d'aimé. Bon, ouf, dire, c'est terrible. Mais c'est bien de reconnaître ça, parce que dans la société d'aujourd'hui, on dit pas vraiment ça. Ça se dit pas, ça se cache, ça. Tout le monde veut aimer, tout le monde aime. Ouais. Non, il y a des natures, je pense, effectivement, qui sont plus faites pour aimer que pour être aimé. Et vice-versa, bien sûr. Plus pour être aimé que pour aimer. Qui ont besoin, envie d'être aimé, mais qui n'aiment pas vraiment. Mais alors... Et aujourd'hui, on a une vision très morale de ça. Ne pas aimer. Ah ! Monstrueux. Mais alors, qu'est-ce qu'aimer ? Être aimé passionnément ? Aimer vraiment ? Marie, la façon dont elle aime Georges, ça fait peur. Hein. Enfin, elle l'aime pas vraiment. D'ailleurs, oui, c'est la grande question. Thérèse, est-ce qu'elle aime Georges ? Par moments, c'est sous-entendu dans le livre, mais... Mais quand elle le décrit... c'est pitoyable, enfin... Elle se rend bien compte que c'est un pauvre type, d'une certaine manière. Il a juste pour lui quelque chose, c'est ça. C'est presque son désespoir, sa souffrance. Et donc, finalement, sa profondeur, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Pour avoir ce type de désespoir, il faut être profond. Et ça, ça lui plaît. Mais aussi, mais puis peut-être parce qu'elle a un sentiment de supériorité énorme sur lui. En tout cas, l'amour, non. Elle est contente d'être aimée, Thérèse. Donc, enfin, presque... Il lui reproche ça, quoi. Alors, Thérèse murmura. Vous êtes fou. Il haussa les épaules. Elle s'assit sur le lit. Elle rendait les armes à cette puissance qui n'était peut-être pas aveugle, à cette volonté sans nom, en qui elle n'avait pas foi. Dieu, hein, c'est moi qui rajoute Dieu. Mais tout à l'heure non plus, elle ne croyait pas qu'il lui appartint. En prévoyant le pire... de conjurer le sort, et pourtant, elle avait agi comme si elle y avait cru. Ouais, bon, là, si j'avais noté ça pour le côté hyper chrétien, vision de Dieu qui débarque. Ça m'intéressait ce thème. Je pense que c'est vraiment un thème dont Thérèse d'Esquerou mériterait une. Ça mérite une mémoire, une petite thèse, je sais pas. Seulement d'où sa dernière victime l'intéressait. Voilà, le Mondou, dont c'est l'ami qu'elle a fait souffrir. Non. Non qu'elle ait pu lui faire grand mal, mais ce coup porté d'une main sûre l'aidait à mesurer son pouvoir, à prendre conscience de sa mission. Ce n'est pas étonnant que les gens se retournent sur son passage. Une bête puante se trahit d'abord. Thérèse sentait sur elle des regards insistants. Elle allongeait le pas, impatiente de retrouver sa tanière, de se tapir. Il faudrait vivre en recluse désormais. Pour être sûr de ne plus nuire, pour éviter aussi les représailles, etc., etc. Je trouve que c'est lui fait, parce que là, on est dans la pensée de Thérèse, donc il lui fait parler d'elle-même sur ce ton-là. Je trouve que bon, c'est vrai qu'il commence à la rendre folle à ce moment-là. Mais tout de même, je trouve qu'il y va fort. Hein. Ça. Alors là, il y a des pages. Alors je vais pas prendre, mais il y a tout un. Ah oui, c'est quand Marie va voir Georges dans la grange. Là, il y a de très belles pages. Que c'eût été simple si elle avait voulu, elle n'aurait eu qu'à lui prendre la main. Mais souvent, tout s'arrête là, hein, prendre la main. Je trouve que c'est tellement vrai. Mais comprenant d'abord pourquoi il était venu, parce qu'il était intéressé par Thérèse, elle se leva. Donc, elle supporte pas, elle est jalouse et on la comprend bien là. Hein. Je n'ai plus froid, dit-elle. Non, restez assis. Cette lettre ne finissait rien entre nous. Je ne voulais pas vous quitter sans un adieu. Ensuite, je vous jure de vous laisser tranquille. Hypocrisie, personne ne croit à ça, ni elle ni lui. Enfin, c'est marrant. Il assura qu'il ne souhaitait pas qu'elle le laissât tranquille. Voilà, donc là, c'est façon de lui dire, marions-nous, mais c'est d'une façon tellement triste. Mais cette protestation ne donnait à Marie aucune joie, voilà. Parce que, jalouse. Elle reconnaissait sa figure de ces moments-là, l'accent paysan qui lui revenait, ce souffle un peu court, cette grosse lèvre inférieure trop rouge, et elle l'observait froidement, sans rien éprouver de son trouble, même avec un sentiment de répulsion. Pourtant, il ne l'aimait pas, et c'était elle que la passion étouffait et qui avait envie de mourir. Voilà, c'est complètement surréaliste. Hein. C'est vrai qu'il l'aime pas, mais là, maintenant, là, il comprend qu'il peut être avec elle, même s'il l'aime pas. Pour toutes les raisons que Thérèse a avancées, sans doute, mais. Et elle, étouffée par la passion. C'est fou quand on voit le mépris qu'elle a pour lui. Elle ne le comprend pas. Elle le trouve moche et bête par moments, là. Et c'est elle qui a de la passion. C'est paradoxal, contradictoire. Et je dois reconnaître qu'il y a du vrai là-dedans. Il peut y avoir du vrai, quoi. On peut être. Il comprit qu'il s'était loupé. Non, il comprit que c'était loupé, lui. Et n'insista pas. Entre parenthèses, il n'insistait jamais. Ça aussi, hein, il n'insistait jamais, c'est pas bien, ça plaît pas aux femmes. Hein. Il a une vision un petit peu machiste de l'homme, Mauriac. Malheureusement, je pense qu'elle est encore valable pour beaucoup de gens. Hein. C'est pas un dur, quoi. C'est pas ce qu'il veut. Ah là là, il a pas assez dit. Ah là là, il n'insiste pas. Ah là là, c'est pas bien. L'apologie du Morbac, quoi. Bref, c'est moi ça. Alors, bon, là, il y a plusieurs pages, alors je vais pas citer tout ça, mais je trouve que là, il y a vraiment un très beau passage. Et toute la fin du passage, d'ailleurs. Donc, il lui demande de voir Thérèse. Il a dit qu'elle sera là pour l'introduire. Alors il dit à Marie, elle vous aimait, vous savez, vous occupiez toutes ses pensées, le souci de votre bonheur l'obsédait, et même, il faut que je vous le dise, je n'ai jamais existé à ses yeux qu'à cause de vous. Cela, je vous le jure. Mais vous le savez, ajouta-t-il, vous le croyez, Marie? Ce qui est étrange, dit-elle en riant, c'est que vous sentiez le besoin de me rassurer. Ne trouvez-vous pas que c'est drôle? Ben oui, on sent que c'est faux. Bien sûr qu'elle se soucie de Marie, mais pas que. Elle agita la main, il regarda la muraille de pluie se refermer sur elle et revint s'accroupir contre le tas de brandes. Voilà. Alors une dernière petite citation. Ah ouais, magnifique. Ouh, c'est Georges, ça. Ah, que lui importait Marie ou une autre femme, Saint-Clair ou Paris. Les chantiers, les scieries paternelles ou l'école de droit. C'était de cette source que Thérèse avait fait sourdre en lui qu'il devait partir. Oui, de cette douleur, de cet élan toujours rompu vers une passion infinie. Il ne serait plus jamais content de lui-même, plus jamais satisfait. Il apprendrait à connaître les limites en lui, au-delà desquels s'étend cette passion infinie. D'affreux petits actes obscurs, accomplis dans la solitude et dans une sécurité profonde, nous définissent mieux que les grands crimes. Ainsi rêvait Georges, cette nuit-là, où son pas retentissait entre les murs du village désert. Ah, c'est magnifique, hein, là, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est assez spirituel aussi. Je trouve ça très, très, très profond, potentiellement. Enfin, c'est là, pour le coup, ouais. Mais c'est vrai que c'est philosophico-religieux. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. Voilà, donc, malgré tous les défauts qui m'énervent dont j'ai parlé entre, bon, le Mauriac, etc., son acte de naissance peut-être d'un auteur chrétien engagé au sens chrétien, bon, tout ça. D'ailleurs, ça a été écrit, la préface, pour parachever le tout, là, il dit « J'ai rencontré à Rome un prêtre, etc. » Et à la fin de la préface, c'est écrit « Rome, fête de l'épiphanie, 1935. » Mon Dieu, à Rome en 35. Page d'histoire aussi, hein. Bref, voilà. Donc, un très très beau livre, bien sûr, et puis toujours fin, comme Mauriac sait le faire. Quoi. Alors maintenant, faut que je lise deux petits passages qui ont été écrits encore après, de Thérèse, deux petits bouts de vie de Thérèse, de nouvelles de Mauriac, de la vie de Thérèse à Paris. Voilà, il faut que je lise ça, et je crois que là, j'aurais fait le tour de cette petite saga. Par contre, je ne sais pas s'il a vraiment écrit la confession avec un prêtre. Ce serait intéressant s'il l'a écrite, mais ben bon, je pense pas, mais... Ça mériterait une petite recherche. Confession de Thérèse d'Esquirou. Ouais. Wikipédia. Voilà, donc un beau petit roman. Voilà.